BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. C'est un reportage avec David Lamontagne, c'est la chronique du hockey mineur, commandité par BR Metal. Salut David! Salut Danny! David, pas mal d'activités cette semaine. On a des reportages tous les jours avec le tournoi Bantam avec notre ami Pierre-Luc Ménard. Mais c'est le tournoi Bantam qui est en cours. Oui, le tournoi Bantam est en cours depuis mercredi. On a déjà des matchs de jouer. Ça dure jusqu'à dimanche. Oui. On a des matchs sur les deux arénas. Okay. Dans le fond, nos tournois sont commencés. On a le tournoi Bantam cette semaine, le tournoi Atom Pee-Wee la semaine prochaine. Puis il va y avoir aussi la Festival Pré-Novice à Normandin aussi qui va suivre. Donc c'est avant les fêtes, c'est assez occupé au niveau des tournois. C'est bien décollé. OK. Évidemment, j'imagine que c'est important également. Ça va un peu mieux depuis qu'on a transféré ça aux fêtes, hein? Avant les fêtes, c'est-à-dire. Oui, ben oui. C'est quand même assez stable au niveau des équipes là. Pour le tournoi Bantam, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts de fait. Vu que c'est quand même un tournoi qui est assez tôt, là. C'est un des premiers tournois. Puis au niveau du tournoi Atom Pee-Wee, ben tu sais. Depuis les deux dernières années, là, les équipes, là, ça augmente. Là. On est obligé de faire le tournoi sur trois arénas. On a Dolbeau, Mississini, Normandin. Ça fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui viennent. C'est bon, ça? Okay. C'est merveilleux. OK. Donc, trois, ouais. Quand on est rendu avec trois arénas, c'est beaucoup. Là. C'est pas mal. Oui, ouais, on utilise les trois arénas pour le tournoi. Ouais. Hockey, comment ça va dans du côté du Simplelette, des équipes et ainsi de suite? Simplelette, le novice. Les équipes novices ont été finalisées la semaine passée. Les saisons sont commencées. Okay. J'invite les gens à venir les voir jouer. C'est leur premier pas au hockey mineur. Les équipes. Ben oui. On a quand même quatre équipes dans le novice. Quatre équipes à Dolbeau, une équipe à Normandin. Okay. C'est quand même, ça fait cinq équipes pour notre hockey mineur. Ben oui, c'est pas mal. Donc, il y a une bonne relève. C'est-tu beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Il y a une bonne. Il y a, oui, c'est. Ça fait cinq équipes, là. C'est une très bonne année. OK. Donc, la relève est assurée. Bon. Ben, David, y a-t-il autre chose à mentionner cette semaine? Non, on s'en parle la semaine prochaine. OK, oui, même pas. Donc, David Lamontagne, le président du hockey mineur de Olbeau-Mistassini.